Franchement, je dois te raconter un truc gravissime. Je veux dire, un jour, j'étais avec Henri à la fac, tu vois, et j'avais trop envie de fumer, tu vois. Et là, soudain, je te jure, Jean-Mich, il m'a sorti un de ses tchous. Je te lis même pas le tchou qui m'a sorti, Jean-Mich. Même pas lui croyait le tchou qu'il avait dans les mains, gros, je te jure. Soudain, on m'a passé un joint. Je me suis dit, est-ce que je fume? Soudain, j'ai fumé, quoi. J'ai pris une latte.